Dans les starting blocks, mon rap te stop et mon glock te pop. Pop pop pop, pop pop pop, ce hater c'est pas numéro 1 dans le rap mais chez les suceuses. Quand t'entends la voix de Real Flow, les chats te mouillent. Même bourré au sky, je suis hal quand ça part en couille. Toutes mes ex étaient bonnes de corps mais malsaines de cœur. Quand mes tocs sont dans le club, tout le monde a peur. T'as payé toute la soirée mais t'as paniqué. Je me mets à lâcher mon flow, les MC commencent à paniquer. I got the money, I got the bitches. Quand le flow est high, you know what it is. Quand je pose sur les instrus, je fais que des drames. Drame, c'est pas gangsta que maman lâche des larmes. Larmes, c'est trop chaud quand ça vient de Billy Compton City. Tellement fresh que Beyoncé pourrait virer Jay-Z. Qui, mais qui est dans les starting blocks? C'est real flow dans les starting blocks. Mon rap te stop, mon rap te stop. Mon rap te stop, mon rap te fuck. Qui, mais qui est dans les starting blocks? C'est real flow dans les starting blocks. Mon rap te stop, mon rap te stop. Mon rap te stop, mon rap te fuck. J'fais un clic, j'ai des milliers d'euros sur le compte. J'fais clic, clac, tu crèves, ça sert à quoi de faire des pompes? Le manque de fric commence par me casser les couilles. Des fois envie d'enfiler les gants et de cracher les douilles. On ferait tout pour la monnaie, monnaie, monnaie. Dieu vous le rendra, alors donnez, donnez, donnez. Les rappeurs du luxe rêvent juste de beau de masse. Alors que moi je suis loin, cousin, sous le soleil des Bahamas. Moi je suis 1%, toi t'es qu'un arrière. Ma mixtape vaut un pack d'eau, mais c'est un baril de fuel. Non, t'es sérieux, tu voulais clasher. Maintenant t'as compris qu'il fallait même pas y penser. Et si un jour ça parle mal de la daronne, j'irai faire toc toc à leur porte. En soirée ça serait capable de sortir le glock glock. Helix Paris représente, demande Abolop Bob. Cousin tu le sais, quand je rappe c'est bestialement. Tu bouges la tête et ça c'est machinalement. Quand on arrive c'est avec des gros bolides allemands. N'en fais pas trop, y'a qu'au Monopoly que t'as de l'argent. Qui, mais qui est dans les starting blocks? C'est real flow dans les starting blocks. Mon rap te stop, mon rap te stop. Mon rap te stop, mon rap te fuck. Qui, mais qui est dans les starting blocks? C'est real flow dans les starting blocks. Mon rap te stop, mon rap te stop. Mon rap te stop, mon rap te fuck.